Chapitre 7. Le patou. Il sortait de la douche lorsqu'un tel me surgit sur le pas de la porte avec une écuelle de soupe. Tu vas faire quoi avec ça? Demanda Fred étonné. Le donner à manger aux chiens, pardi. C'est moi qui d'habitude leur donne après dîner. Oui, mais celui-là, c'est moi. Il se poussa, et derrière le vieil homme, un grand chien blanc assis les regardait d'un air tranquille. Mais, arrête de bêler bêtement, reprit l'ancien. Tu connaissais le Lucien qui est mort il y a 3 mois. Sur le hochement de tête de son fils, il reprit. Son fils n'a pas voulu continuer. Être berger, c'est quasiment une vocation, et surtout, ne pas avoir peur de la solitude. C'est pas fait pour des jeunes gars qui reviennent de la ville au bout d'une dizaine d'années. Ah non, se vexa Fred, et moi alors. Mais toi, fils, tu es une exception et une bonne. Il mit une main affectueuse sur l'épaule de ce dernier. Et ce chien était à lui? Que fait-il là? Il était bien à lui. Désormais, il est à nous. Tu veux dire? Ce que j'ai dit, oui. Je n'allais quand même pas le laisser le piquer. Il a vendu le cheptel. Que ferait-il d'un pareil animal à la ville? Pauvre bête. Ici, il sera bien. Fin de la discussion. L'ancêtre mit une petite tape amicale sur la tête du grand chien qui remua doucement la queue. Jérémie était muet d'étonnement et totalement fasciné par l'animal. Celui-ci était un spécimen particulièrement grand et fort, devant peser dans les 80 kilos au bas mot. Son regard calme et placide devait laisser les importuns à l'écart. Quant aux loups et aux ours, ils n'avaient qu'à bien se tenir. Et comment s'appelle-t-il? Demanda Fred. Aucune idée. Appelle-le comme tu veux. Génial, répliqua son fils. Un pareil animal pourra nous causer des tas d'ennuis. Tu ne le connais même pas. Tonnerre des dieux, lui non plus ne te connaît pas. Et il ne t'a pas demandé ton nom. Il fera comme les autres. Il s'adaptera. Et toi aussi. Le vieil homme avait décidé, et rien ni personne ne pourrait lui faire changer d'avis. Effectivement, le chien s'adapta parfaitement. Quelque temps plus tard, il mit en fuite un renard qui, inconscient du danger jusqu'alors inexistant, rôdait autour du poulailler et qu'on n'y reprendrait plus. Il suivait quiconque s'aventurait sur la propriété, et même Jérémie dans ses balades. En un rien de temps, une belle complicité se noua entre eux. Tu te rends compte qu'il va être très malheureux lorsque tu partiras? Ah, je n'y avais pas songé, mais qui puis-je? Je ne me sens pas de le repousser. Il me fait penser à toi, hein, l'écorché vif. Il l'a senti, crois-moi. Ces chiens-là sont extraordinaires. Et ce que tu ne sais probablement pas, c'est qu'ils ne reconnaissent aucun maître. Ils n'obéissent qu'à eux-mêmes. Ils sont habitués tout petits à vivre parmi les bêtes, et donc ils les protègent naturellement ensuite. Pour eux, elles font partie de sa famille. Une drôle de vie de chien. Oui, la leur depuis des centaines d'années. Au fait, tu lui as donné un nom? Oui, désolé. Il répond bien à celui de Thor, le dieu nordique si puissant. J'essaierai de lui dire de rester ici, cependant je doute qu'il ne m'écoute. Certainement. Ne sois pas trop dur avec lui. Je pense que c'est déjà trop tard, il s'est attaché à toi. Bah, l'avenir dira ce qu'il en adviendra. Ainsi fut fait. Le chien continua à suivre Jérémie partout où celui-ci se rendait, et rien n'y fit pour l'en dissuader. Fred attendait avec moins d'impatience que son ami un appel du professeur, mais celui-ci tardant à venir, Jérémie fit des recherches sur le château dans tous les livres qu'il trouva, et ce dans toute la région. Quand il en eut assez de s'enfermer, il décida qu'il était grand temps pour lui de s'aérer quelque peu. Il fit plusieurs longues promenades avec Thor dans toute la région. On eût dit que l'animal le protégeait, et ce fut une médecine bienfaisante pour son âme à vif. Enfin, vint le jour où le professeur leur donna le fameux rendez-vous.